السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا لدرسنا الأخير بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الدورة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وأن يعفو عما حصل فيها من التقصير سبحانه وتعالى. Donc nous continuons بإذن الله تبارك وتعالى pour notre dernier cours de cette دورة. Nous nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'elle ait été profitable pour chacun d'entre nous et qu'elle soit inscrite bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans la balance de bonnes actions de chacun d'entre nous. Donc le hadith dont nous allons parler aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est aussi un hadith immense et une invocation immense que le messager sallallahu alayhi wa sallam a appelé Sayyidu l'istighfar. Sayyidu l'istighfar, c'est-à-dire la meilleure, la plus noble des formes de demande de pardon. L'auteur nous dit, rahimahullah, d'après Shaddad ibn Aws, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sayyidul istighfar, la meilleure formule de demande de pardon, est que le serviteur dise: Ô Allah, tu es mon Seigneur, Allahumma anta Rabbi, nul ne mérite l'adoration à part toi. La ilaha illa ant, khalaqtani, tu m'as créé. Ou ana abduka, et je suis ton serviteur. Et je suis sur ton pacte et sur ta promesse. Ou ana ala ahdika wa wa'dika, du mieux que je peux. Mastata'tu. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai accompli. Je reconnais ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car certes ne pardonne les péchés nul autre que toi. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui dit cette invocation dans sa journée, en ayant la certitude sur cela, puis meurt dans ce jour, fait partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit la nuit, en ayant la certitude sur cela, puis meurt avant le matin, fait partie des gens du paradis. Donc ce hadith fait partie des invocations qui sont à dire le matin et le soir. Et on voit parmi les mérites de ce hadith, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est une cause d'entrée au paradis pour celui qui dit cette invocation avec certitude. Donc cette invocation contient plusieurs points, entre autres l'état dans lequel le serviteur doit se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on le voit ici dans le hadith, le fait de reconnaître son indigence envers Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître ses manquements, de reconnaître ses péchés, de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, ce qui va le pousser à se rabaisser, s'humilier devant Allah azza wa jal, l'invoquer en ayant conscience du besoin immense qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points qui nous permettent de comprendre ce hadith, des propos de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah que nous allons lire, dans lesquels il explique ces points-là, à travers lesquels aussi il nous montre la sagesse et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, à certains moments lorsque le serviteur commet un péché, commet une erreur, et qu'après cela il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'humilie devant lui, l'invoque, car en réalité dans cela, donc, il y a une sagesse immense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cité plusieurs fois, cela permet au serviteur d'être préservé de plusieurs maladies, comme la vanité, comme le fait de se vanter, comme le fait de s'enorgueillir ou autre. Et cela peut être une cause pour que le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais il est véridique dans son repentir. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah nous cite dans son livre Al-Wabil Sayyib, après avoir cité les manières par lesquelles Shaitan peut atteindre l'être humain, par lesquelles il peut le faire tomber dans un péché, que ce soit par le fait qu'il soit dans un moment d'insouciance, ou bien avec la shahwa, avec les désirs qui sont muharrama, ou bien avec, pendant un moment de radab, de colère. Donc ce sont les moments par lesquels Shaitan peut avoir le dessus sur le serviteur et peut le pousser à tomber dans un péché par erreur ou bien par inadvertance. La shahwa, lorsque le serviteur suit sa shahwa et suit les désirs qu'il peut avoir qui sont muharram, ou bien pendant un moment de colère, ou bien pendant un moment de rafla, d'insouciance. Puis il dit, rahimahullah, donc après cela, après que le serviteur soit tombé dans un péché, soit tombé dans le piège de Shaitan, il nous dit فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالْإِنْكِسَارِ وَالذُّلِّ وَالْإِفْتِقَارِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِهِ وَصِدْقِ اللَّجَأِ إِلَيْهِ وَدَوَامِ التَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ مَا أَمْكَنَ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا تَكُونُ تِلْكَ السَّيِّئَةُ بِهِ سَبَبَ رَحْمَتِهِ حَتَّى يَقُولَ عَدُوُّ اللَّهِ يَا لَيْتَنِي تَرَكْتُهُ وَلَمْ أُوقِعُهُ. Donc ici, il nous informe que après que Shaytan ait pu faire tomber l'enfant d'Adam dans un péché, car comme on le sait, kullu ibn Adam khata, chaque enfant d'Adam est pécheur. Enfin, il nous dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien pour son serviteur, alors il lui ouvre la porte de la tauba, du repentir, du regret, du fait de se briser devant lui subhanahu wa ta'ala, de s'humilier devant lui, de ressentir son besoin et son indigence envers lui subhanahu wa ta'ala. La porte du fait de lui demander de l'aide et de revenir, de chercher refuge auprès de lui avec véracité. Dans le fait aussi de constamment l'implorer, donc pour le péché qu'il a pu faire, de l'invoquer, de se rapprocher de lui avec ce qu'il peut comme bonne action. Ce par quoi cette mauvaise action sera la cause de la miséricorde d'Allah sur lui. À tel point où l'ennemi d'Allah, donc Shaitan, dise « Oh, si j'aurais su, je l'aurais laissé et je ne l'aurais pas fait tomber dans ce péché. » C'est-à-dire qu'ici, le fait que cette personne-là fasse ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, fait que le serviteur voit devant lui la porte du repentir, du regret, du fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de ressentir le besoin qu'il a envers Allah, de demander l'aide à Allah, de rechercher refuge auprès d'Allah, de l'implorer constamment, de se rapprocher de lui avec des bonnes actions qui vont effacer la mauvaise action. Ce qui fera qu'en réalité, il aura fait beaucoup plus que ce péché. Et en réalité, il se rapprochera plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point où Shaitan dise « Si j'aurais su, j'aurais laissé sans qu'il fasse ce péché-là. » Car ce péché-là, pour lui, sera une cause de miséricorde, car il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que s'il n'aurait pas fait ce péché-là. Donc on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit « وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِ بَعْدَ السَّلَفِ » Et cela est le sens de la parole de certains salafs qui ont dit « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الذَّنْبَ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ » Le serviteur accomplit un péché par lequel il entre au paradis. « وَيَعْمَلُ الْحَسَنَةِ يَدْخُلُ بِهَا النَّارِ » Et il œuvre une bonne action par laquelle il entre au paradis. « قَالُوا كَيْفِ » Donc ils lui ont dit « Comment cela est-ce possible ?»« قَالْ يَعْمَلُ الذَّنْبَ فَلَا يَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ خَائِفًا مِنْهُ مُشْفِقًا وَجِلًا بَاكِيًا نَادِمًا مُسْتَحِيًا مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى نَاكِسَ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْهِ مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الذَّنْبُ أَنْفَعَ لَهُ مِنْ طَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ بِمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي بِهَا سَعَادَةُ الْعَبْدِ وَفَلَاحُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ الذَّنْبُ سَبَبَ دُخُولِهِ الْجَنَّةِ Il nous dit, donc après qu'ils lui ont dit comment cela est possible que la personne œuvre avec un péché puis entre au paradis et que la personne œuvre avec une bonne action puis entre en enfer. Il dit, car cette personne-là œuvre avec un péché, puis ce péché-là ne cesse d'être sur sa conscience. Elle ne cesse de penser à ce péché-là, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par crainte, en pleurant, en regrettant, en ayant honte de se tenir devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en rabaissant la tête devant lui subhanahu wa ta'ala, en ayant le cœur brisé pour le péché qu'il a pu faire. Et donc, cet état dans lequel il sera, le fait d'être abaissé devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir le cœur brisé, d'avoir honte du péché qu'elle a fait, de regretter, cela sera plus profitable pour lui que beaucoup d'adorations qu'il aura pu faire. Car on sait que les adorations du cœur sont les plus importantes. Ici, en l'occurrence, ce fait de se sentir abaissé devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'humilier devant lui, une chose qu'Allah aime. Allah yuhibbu min al-'abd an yatadarra'a ilayhi. Allah aime du serviteur qu'il l'implore, qu'il s'humilie devant lui, qu'il lui montre son indigence envers lui subhanahu wa ta'ala. Donc ici, cela sera plus profitable pour lui que beaucoup d'actes d'adoration. Pourquoi ? Car du fait de ce qui va découler de ce péché-là comme chose citée. Donc ici, comme le fait de se rabaisser devant Allah, de regretter, de s'humilier devant lui, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, ces choses par lesquelles se trouvent, ou dans lesquelles se trouvent, le bonheur et la réussite du serviteur. Donc le bonheur et la réussite du serviteur sont dans ces points-là. Le fait qu'il demande aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah nous demande de l'implorer dans chaque prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous implorons aide. Donc le bonheur de la personne sont dans ces choses-là. Dans le fait qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'humilie devant lui, qu'il cherche aide auprès de lui, qu'il se désavoue de toute force et de puissance venant de lui. Donc celui qui a fait ce péché-là, à ce moment-là, se rend compte qu'il a besoin d'Allah. Il se désavoue de lui-même, car il sent qu'il est pécheur. Il se sent mal, donc automatiquement, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala, et de par cela, il devient plus fort que celui qui se remet à sa personne. Puis il nous dit « حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة » jusqu'à ce que ce péché-là soit la cause de son entrée au paradis, car il reste dans cet état-là, un état qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Nous avons un exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit à propos de Adam alayhi salam wa Hawa, « أنهما لما ظلما أنفسهما قالا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » l'exemple de Adam alayhi salam et Hawa, après qu'ils aient fait ce péché, donc qu'ils ont dit, ô Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes, wa illam taghfir lana wa tarhamna, et si tu ne nous pardonnes pas, ne nous fais pas miséricorde, lanakunanna min al-khasirin, nous serons certainement du nombre des perdants. Donc après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Adam. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Ensuite, ton Seigneur l'a choisi, a accepté son repentir et l'a guidé. Donc Adam alayhi salam, après ce péché, a été meilleur que l'état dans lequel il était avant ce péché. Car après se repentir, Allah l'a choisi, a accepté se repentir et l'a guidé. Alayhi salam. Donc on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il décrète à certains moments des péchés sur son serviteur et que celui-ci se soumet à Allah, se repent, alors en réalité cela sera un bienfait pour lui. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Puis il nous dit, rahimahullah, à l'inverse, donc celui qui accomplit une bonne action puis entre par cela en enfer, il nous dit, wa yaf'alul hasana. فَلَا يَزَالُ يَمُنُّ بِهَا عَلَى رَبِّهِ. Donc à l'inverse, la personne fait une bonne action et elle ne cesse de se vanter, de citer ses mérites auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَيَتَكَبَّرُ بِهَا. Et il s'enorgueillit à cause de cette bonne action. وَيَرَى نَفْسَهُ وَيُعْجَبُ بِهَا وَيَسْتَطِيلُ بِهَا وَيَقُولُ فَعَلْتْ فَعَلْتْ. Et il voit son âme, il voit qu'il a un mérite. Et il est pris de ujb, donc d'autosatisfaction quant à l'acte qu'il a fait, de vanité. Il est pris d'orgueil. Et il dit, j'ai fait telle chose et j'ai fait telle chose. فَيُورِثُهُ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالِسْتِطَالَةِ مَا يَكُونُ سَبَبَ هَلَكِهِ. Et donc cela, ce sentiment qu'il peut avoir, fait en sorte d'éveiller en lui donc de la vanité, de l'orgueil, de la vantardise et le fait de s'enorgueillir, ce qui sera la cause de sa perte. Il nous dit, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْمِسْكِينَ خَيْرًا إِبْتَلَاهُ بِأَمْرٍ يَكْسِرُهُ وَيُذِلُّهُ وَيُذِلُّ بِهِ عُنُقَهُ وَيُصَغِّرُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدًا. Et donc si Allah veut du bien à ce serviteur-là, ce deuxième, celui qui accomplit une bonne action et qui se vante de celle-ci, qui s'enorgueille face à celle-ci, Allah, s'il lui veut du bien, il l'éprouve par une chose qui va le briser, une chose qui va faire qu'il va se rabaisser, qu'il va rabaisser sa nuque, qu'il va rabaisser son âme devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ خَلَّاهُ وَعُجْبَهُ وَكِبْرَ. Et si Allah lui veut autre que cela, autre que du bien, alors il le laisse avec son orgueil et avec son autosatisfaction dans laquelle il a pu tomber. وَهَذَا هُوَ الْخُذْلَانُ الْمُوجِبُ لِهَلَاكِهِ. Et donc cela est l'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'amener à la perdition. Le fait qu'Allah le laisse dans cette pensée, le laisse penser donc du bien de son âme, le laisse être pris d'orgueil, et être pris d'autosatisfaction quant à l'acte qu'il a pu accomplir. Il nous dit فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. Et donc les connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont unanimes quant au fait que le tawfiq, la réelle réussite, est le fait qu'Allah ne t'abandonne pas à ton âme. Et l'abandon, al-khudlan, est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne et te laisse à ton âme. Donc on voit que le premier, celui qui accomplit le péché, lui se remet à Allah subhanahu wa ta'ala et se désavoue de son âme. Donc celui-là en réalité est devant la porte du tawfiq. Alors que le deuxième, il satisfait de son âme, donc celui-là est devant la porte du khudlan. Il nous dit فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ بَابَ الذُّلِّ وَالْإِنْكِسَارِ وَدَوَامَ اللَّجَأْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ وَرُؤْيَةَ عُيُوبِ نَفْسِهِ وَجَهْلَهَا وَعُدْوَانَهَا وَمُشَاهَدَةَ فَضْلِ رَبِّهِ وَإِحْسَانِهِ وَرَحْمَتِهِ وَجُودِهِ وَبِرِّهِ وَغِنَاهُ وَحَمْدِهِ. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il ouvre la porte du rabaissement, du fait de se briser devant lui subhanahu wa ta'ala, de constamment chercher refuge auprès de lui, de sentir son indigence envers lui subhanahu wa ta'ala, et de voir les défauts de son âme. Les défauts de son âme, son ignorance, son inimité, et de voir constamment le bienfait de son Seigneur sur lui, sa bienfaisance, sa miséricorde, sa bonté, sa richesse et sa louange subhanahu wa ta'ala. Il nous dit فَالْعَارِفُ سَائِرٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَنَاحِينَ. Donc le réel connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala chemine vers Allah entre ces deux ailes. لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسِيرَ إِلَّا بَيْنَهُمَا. Il lui est impossible de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala sans ces deux ailes. فَمَتَا فَاتَهُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا فَهُوَ كَالطَّيْرِ الَّذِي فَقَدَ أَحَدَ جَنَاحِهِ. Et si jamais il perd l'une de ces deux ailes, que l'auteur va expliquer, alors il est comme l'oiseau qui a perdu une de ses deux ailes. Il nous dit قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. Et donc le connaisseur, le réel connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala chemine vers lui entre ces deux ailes qui sont مشاهدة المنة, le fait de voir et de se rendre compte de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, ومطالعة عيب النفس, et le fait de voir, de se rendre compte des défauts de son âme et de ses œuvres. Une chose que l'on voit dans le hadith qui est Sayyidul Istighfar, car dans celui-là, le croyant reconnaît le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il atteste de celui-ci, le bienfait d'Allah sur lui, et il reconnaît son péché et ses manquements. C'est pour ça qu'il nous dit, rahimahullah, وَهَذَا مَعْنَا قَوْلِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bureyda radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayyidul Istighfar an yaqul al-abd al-hadith. Donc le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure formule de demande de pardon est que le serviteur dise, ô Allah, tu es mon Seigneur, nul ne mérite l'adoration à part toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur et je suis sur ton pacte et sur ta promesse, du mieux que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai accompli. Je reconnais ton bienfait sur moi. Yuna mushahadatul minna. Donc le fait de se rendre compte du bienfait et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur. Et je reconnais mon péché. Huna mutala'atu 'ub an-nafs, le fait de se rendre compte des défauts de son âme et des manquements qu'il peut avoir dans ses œuvres. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car certes, ne pardonne les péchés nul autre que toi. Il nous dit rahimahullah, fajama'a qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni dans sa parole, je reconnais ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché, a réuni ces deux points qui sont mushahadatul minna, le fait de se rendre compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa mutala'atu 'aib an-nafs wal 'amal, le fait de se rendre compte et de voir les défauts de l'âme et de l'œuvre. Il nous dit fa mushahadatul minna, le fait de voir la grâce et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, tujibu lahu al-mahabba wal hamd wa shukr. Pour ce serviteur à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, à le louer et à être reconnaissant. Li wali ni'am wal ihsan, être reconnaissant envers celui qui a accordé les bienfaits et celui qui a été bienfaisant envers lui. Wa mutala'atu 'aib an-nafs wal 'amal, et le fait de voir et de se rendre compte des défauts de l'âme et des œuvres, tujibu lahu dhull wal inkisar wal iftiqar wat tawba fi kulli waqt. Cela pousse le serviteur à se rabaisser, s'humilier, se briser devant Allah subhanahu wa ta'ala, à ressentir son indigence envers lui, subhanahu wa ta'ala, à se repentir à tout moment. Et qu'il ne voit son âme que perdante. Qu'il ne voit son âme que perdante. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى والإفلاس. Donc, la porte la plus proche par laquelle le serviteur peut entrer chez son Seigneur est باب الإفلاس. Le fait que le serviteur sente qu'il est ruiné, sente qu'il n'a rien, sente qu'il soit pauvre et qu'il soit indigent envers Allah سبحانه وتعالى. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به. Donc, il ne voit rien en son âme. Ni aucun état, ni aucune place, ni aucune cause par laquelle il peut s'accrocher. Wala wasilatan minhu yamunnu biha. Et aucune chose, aucune œuvre par laquelle il peut prétendre citer ses grâces et se vanter devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Liyadkhula 'ala Allah ta'ala min bab al-iftiqar as-sirf. Pour qu'il puisse entrer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un sentiment d'indigence et de besoin complet envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iflas al-mahd. Dukhuli man qad كَسَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ قَلْبَهُ. D'une manière qu'entrerait une personne dont la pauvreté et l'indigence a brisé le cœur. حَتَّى وَصَلَتْ تِلْكَ الْكَسْرَةُ إِلَى سُوَيْدَائِهِ فَانْصَدَعَ وَشَمَلَتْهُ الْكَسْرَةُ مِنْ كُلِّ جِهَاتِهِ وَشَهِدَ ضَرُورَتَهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il entre d'une manière où il sent qu'il n'a rien, il sent qu'il est en pleine ruine et il n'a aucune chose par laquelle il peut s'accrocher qui vient de son âme, mais il se remet complètement à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa kamali faqatihi wa faqrihi ilayhi wa anna fi kulli dharratin min dharratihi adh-dhahirati wal batinati faqa tamma. Il ressent un besoin et une pauvreté dans chacun de ses membres envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daruratan kamilatan ila rabbih tabaraka wa ta'ala wa annahu im takhalla anhu tarf ayn halaka. Et que si son Seigneur le délaisse, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, alors il va à sa perdition. Et qu'il perdra d'une perte qu'il ne pourra pas consolider. Illa an ya'ud Allah ta'ala alayhi wa yatadarrakahu bi rahmatihi wa la tariq ila Allah ta'ala aqrab min al-ubudiyya wa la hijab aghlaz min ad-da'wa. Donc il sent qu'il est dans une perte totale, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le rattrape par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est le chemin de l'adoration et de la servitude. Donc d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ubudiyya. Et il n'y a aucun voile plus épais, donc entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, que ad-da'wa, les prétentions. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, dans ce point, nous voyons clairement donc les propos de l'Qayyim rahimahullah qui montrent le lien qu'il y a entre ce hadith et entre l'état dans lequel doit être le serviteur qui est mushahadatul minna wa mutala'atu 'ub an-nafs. Le fait de se rendre compte constamment du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et de se rendre compte des défauts de l'âme de la personne, un point qui est en réalité un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme cité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur par un péché ou par une mauvaise action, alors cela est un des moyens qui permet au serviteur de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de s'humilier devant lui, de l'invoquer et de rechercher force et aide auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Et donc celui qui a la réussite est celui donc à qui Allah a donné la réussite. Donc en réalité ce péché-là a été une porte qui a été ouverte وسيرفيتور من طرف الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.